Voilà, nouvel horaire pour notre rendez-vous du mercredi avec l'avenir de la recherche scientifique mondiale. Et oui, rien de moins, une doctorante en l'occurrence aujourd'hui qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Bonjour Pauline Maury. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Bienvenue donc à la recherche Montre en main. C'est à vous. Merci. Alors effectivement, l'équipe de recherche de l'ISMO, dans laquelle j'effectue ma thèse sous la direction de Sandrine Lacombe et Erika Porcel, regroupe des chimistes, des biologistes et des physiciens médicaux. Et nous travaillons ensemble sur le développement de traitements innovants contre le cancer. Donc, nous nous intéressons particulièrement aux traitements qui utilisent des sources de rayonnement, mais aussi à tout ce qui a trait à la nanomédecine, c'est-à-dire à l'utilisation à des fins médicales de petits objets de taille nanométrique que l'on appelle les nanoparticules. D'après les chiffres de l'Institut national du cancer qui ont été publiés en 2016, on sait qu'aujourd'hui, en France, ce sont près de la moitié des patients qui sont atteints d'un cancer qui vont être traités par radiothérapie, ce qui concerne quand même 192 000 personnes par an. Mais vous l'avez rappelé, le problème, c'est que cette technique de traitement présente des limites. D'une part, le rayonnement qui est utilisé pour traiter la tumeur endommage également les tissus sains qui se trouvent tout autour. Et ça va limiter la dose que l'on pourrait utiliser pour détruire la tumeur. Et d'autre part, il existe des cancers agressifs qui ne répondent pas au traitement par radiation. Du coup, on a besoin d'aller vers des méthodes plus efficaces que la radiothérapie classique qui est actuellement utilisée dans les hôpitaux. Et c'est pourquoi nous nous intéressons à l'hadronthérapie, qui est une technique, comme vous l'avez dit, qui, au lieu d'utiliser des rayons X ou des électrons, va utiliser des particules lourdes, comme les ions, pour irradier la tumeur. D'une part, les ions vont permettre de mieux cibler la tumeur et de préserver davantage les tissus sains environnants. Et en fait, ce sont surtout les tissus autour et derrière la tumeur qui vont être mieux protégés, parce que l'irradiation des tissus en avant de la tumeur, elle reste inévitable. Et d'autre part, le deuxième avantage, c'est que les ions, contrairement aux rayons X, vont permettre, à cause de leur charge, de faire des dégâts plus importants dans les cellules cancéreuses que l'on souhaite détruire. Mais pour augmenter encore plus l'efficacité de ce traitement d'hadronthérapie, notre groupe de recherche propose d'enrichir la tumeur avec des nanoparticules métalliques qui vont amplifier localement l'effet des radiations. Et ce qui est génial en fait avec ces nanoparticules, c'est qu'elles vont aussi permettre d'améliorer le contraste en scanner et en IRM, qui sont les deux types d'imagerie médicale souvent utilisés pour imager les tumeurs. Alors ces nanoparticules, ça peut être des nanoparticules de platine que nous développons au sein de notre laboratoire, mais aussi des nanoparticules d'or ou de gadolinium qui nous sont fournis par des collaborateurs, Stéphane Roux et Olivier Timmen de Besançon ou de Lyon. Donc la combinaison de ces nanoparticules avec un rayonnement d'ion carbone a permis à notre équipe, et ça c'est en collaboration avec une équipe japonaise qui est basée à Chiba, d'obtenir des résultats très prometteurs sur des cellules cancéreuses. Ces résultats sont une première étape encourageante, mais ils ont été obtenus in vitro, c'est-à-dire en fait sur des cellules qui poussent à plat et qui font comme des sortes de feuillets. Et du coup, ça, ce n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe chez l'homme. En fait, chez l'homme, les tumeurs sont beaucoup plus sphériques et les cellules sont entourées par beaucoup d'autres cellules et par ce qu'on appelle une matrice extracellulaire, qui est une structure active qui va jouer un grand rôle dans l'interaction des cellules entre elles. Et le but de nos recherches est donc d'évaluer la combinaison du rayonnement avec les nanoparticules sur un modèle expérimental de ce type, qui est en fait une sorte de cylindre épais où les cellules sont prises dans du collagène. Et donc si les résultats sont probants, nous pourrons alors passer à l'étape suivante, qui est en fait l'expérimentation sur petit animal et qui pourrait permettre d'établir in fine des protocoles de traitement que l'on appliquerait en clinique. Merci beaucoup Pauline Maury.